Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. SAIP, c'est un acronyme qui signifie Système d'alerte et d'information des populations, une application qui vise sur votre téléphone à prévenir les personnes en cas d'attentat. C'est aussi le nom d'un formidable échec car SAIP n'a jamais fonctionné. Il n'a pas fonctionné quand il aurait dû fonctionner et il a fonctionné quand il n'aurait pas dû. Il est 16h14 quand les Parisiens reçoivent sur leur téléphone cette alerte. Intervention en cours des forces de l'ordre et de secours suite à un attentat. Abritez-vous, ne vous exposez pas. Quelques minutes plus tard, le quartier est bouclé, les unités d'élite des forces de l'ordre et la BRI dépêchées sur place. Sauf qu'en réalité, il s'agit là d'une fausse alerte. À l'origine, un appel à la police venant de la paroisse. Une dame qui pensait avoir assisté à un début d'attaque après un mouvement de foule à l'extérieur. Daniel Glasman, vous êtes industriel du logiciel. Était-ce une bonne idée, SAIP ? Bonjour Guillaume, oui, évidemment, c'était une bonne idée. L'État a une mission de sécurité et d'information de ses citoyens. Il a aussi une mission d'assurer la bonne qualité des services de police, de force de l'ordre, des militaires qui interviennent dans un tel cadre. Il faut empêcher les gens d'aller se jeter dans la nasse, d'aller gêner les interventions. Donc oui, c'est une bonne idée. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Alors on se dit, bon, bah, ça doit être particulièrement compliqué de faire une application qui géolocalise les individus ? Oui et non. Si on... Revenons à l'essentiel. Cette application, son développement a été décidé en urgence après les attentats. On a confié ça à une société de services en informatique, enfin une société de services qui s'appelle Devryware, qui n'a eu que 40 jours pour la développer. Mm-hmm. 40 jours, c'est très peu. Mm-hmm. Et on s'est appuyé sur les infrastructures de Numergy, qui appartient à SFR, hein, qui est une des deux sociétés, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse initiative du cloud souverain qui a brûlé tellement de millions d'euros et qui a été un échec patent. Non, rappelez-nous en quoi cela consistait, cette initiative, Daniel Glasman. Alors, l'État avait décidé d'investir 2 fois 70 millions d'euros, si mes souvenirs sont bons, dans deux entreprises qui permettraient de faire du cloud français pour les données françaises, sans avoir à exporter des données à l'étranger où elles seraient contrôlées, utilisées, etc., etc., etc. Et deux sociétés ont été créées comme ça, ont été des consortiums industriels. D'un côté, il y avait Thales, Atos, les noms m'échappent. Il y avait CloudWatt et Numergy, d'ailleurs assez amusant que ce soit des acronymes dans le domaine de l'énergie, les deux, qui ont été deux échecs complètement patents. Et Numergy a finalement été absorbé intégralement par SFR, et les réseaux de Numergy ont été choisis pour héberger SAIP, mais ils ont été prévenus 24 heures avant du lancement. Donc ils savaient qu'ils devaient héberger un service, et on leur a dit que c'était quelque chose d'aussi critique que l'alerte attentat 24 heures avant. Ils ont bien tenté de prévenir que sans redondance, c'est-à-dire sans serveur de secours, sans qualité de service garantissant, que tout marcherait même si un matériel donné ou un réseau donné tombe en panne, ça allait fonctionner, ça a été lancé tel quel. Donc les 40 jours de développement ont été clairement insuffisants. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a choisi d'aller vers une application téléchargeable sur téléphone mobile. Mais pas n'importe quel téléphone mobile. On parle là de smartphone. On parle uniquement des téléphones capables de télécharger des applications depuis l'Apple Store, le Google Store. Premièrement, tous les téléphones n'en sont pas donnés. Je croise de nombreuses personnes âgées qui n'ont qu'un téléphone absolument classique et pas un smartphone. Deuxièmement, cela suppose que les citoyens chargent cette application, accepte les notifications qui en viennent. Et surtout, ça on l'a peu dit, il faut que l'application reste allumée sur le téléphone de la personne. Ça fait beaucoup de conditions. Donc ça, c'est les premiers freins au déploiement d'une telle infrastructure. Le deuxième frein, bien entendu, là il y a eu des gros loupés en termes de déploiement et de fonctionnement. En particulier, je crois savoir qu'il y a eu une panne de réseau sur l'infrastructure quelques heures ou 24 heures avant la première alerte attentat, ce qui a expliqué que ça ne pouvait pas marcher correctement. Le dernier point, c'est bien entendu que tout ça passe par l'Internet et les réseaux 4G, qui sont rapidement saturés dans ce genre de cas. Alors on n'a peut-être pas utilisé la bonne technologie pour faire ce genre de choses. Mais alors, ce que l'on ne comprend pas, Daniel Glasman, c'est qu'on est muni sur son téléphone portable d'un certain nombre d'applications qui ne font certes pas la même chose qu'SAIP, mais qui, par exemple, savent très bien où vous êtes. Je pense à l'application d'Uber, mais il y a beaucoup d'autres applications. Est-ce que c'est si compliqué de faire une application comme celle d'Uber, qui sait où vous êtes, qui peut vous envoyer des informations, qui peut même d'ailleurs faire des choses qu'elle n'est pas censée faire, puisqu'on a appris que Uber était capable d'espionner les personnes qui avaient téléchargé le logiciel? Oui, c'est pas si simple, la géolocalisation. Tout passe par les adresses IP, les fameuses adresses Internet, les 192 points, quelque chose que vous voyez apparaître de temps en temps, qui sont associées à des réseaux physiques. Mais quand vous êtes, par exemple, connecté à travers votre entreprise, bah, toute l'entreprise apparaît derrière un seul point, même si votre filiale se trouve à 600 km de là. En téléphonie mobile, c'est un petit peu plus simple puisqu'on utilise aussi le GPS et les données des cellules à laquelle vous vous connectez. Mais je pense pas que ça joue un rôle là dans le cas de l'application SAIP. Il existe dans le cadre de la téléphonie un très très vieux protocole qui s'appelle le cell broadcast, la diffusion cellulaire, qui fait partie de la téléphonie mobile depuis l'époque de la 2G, du GSM, qui est implanté et implémenté par pratiquement tous les opérateurs dans le monde et pas utilisé ni géré en France. On est un des rares. La diffusion cellulaire, c'est en gros du SMS très simple, sauf qu'on ne l'envoie pas à un individu donné, on l'envoie autour de téléphonie mobile, qui arrose toutes les personnes qui y sont connectées. Donc c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup moins coûteux. Ça permet de géolocaliser non pas l'individu, mais la zone de diffusion que l'on souhaite. On peut la limiter à une seule tour cellulaire, voire à une région ou tout le pays si on le souhaite. On a une grande variabilité dans ce qu'on peut faire. Et c'est très facile à mettre en œuvre. C'est tellement facile à mettre en œuvre que Orange, le principal opérateur historique en France, l'a déployé à Bombay en Inde. Donc il pourrait très bien le faire ici, et les autres opérateurs pourraient très bien le faire ici. Si on avait l'application informatique qui permettait de s'y connecter, j'ai lu ici et là qu'elle sera très chère à réaliser, je n'y crois pas du tout. D'accord. Ça permettrait aux autorités d'envoyer des messages aux différents opérateurs et à leur tour dans une zone donnée, qui immédiatement avertirait par un message relativement court, bien formaté, il faut trouver une bonne grammaire, une bonne sémantique, si vous voulez, pour les messages, mais on sait très bien faire ça dans le cadre d'alerte enlèvement, et ça enverrait ça à l'intégralité des téléphones mobiles connectés sur zone. Donc ça, c'est utilisé partout dans le monde, il n'y a qu'en France qu'on ne le fait pas. Et alors, vous avez une explication, Daniel Glasman, pourquoi n'a-t-on pas fait finalement la solution la plus simple, parce que c'était peut-être la plus fiable ? Non, malheureusement, j'en ai pas, je ne comprends pas. Je pense qu'on a dû se dire un petit moment que c'était pas assez moderne. Je pense qu'on a aussi confié ça probablement à des sociétés de services en informatique et pas directement aux opérateurs télécoms. Et ceci aidant, on s'est tourné vers autre chose. Alors, pour moi, une alerte attentat doit quand même être multicanal. Le principal, c'est avoir l'information. Encore une fois, l'État a une mission de sécurité, d'information, d'assistance à ses personnels, militaires, gendarmerie, police et secours qui sont sur le terrain. Mais on peut très bien utiliser les messages de diffusion cellulaire et puis d'autres canaux, comme le font par exemple Scotland Yard en Angleterre ou les polices de toutes les villes aux États-Unis, utiliser également Twitter et Facebook. L'un n'est pas exclusif des autres. Mais à mon sens, la diffusion cellulaire par message est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, probablement moins coûteuse, et on peut même, le protocole le permet, envoyer un message de ce type, si mes sources sont bonnes, toutes les 1,9 secondes. Donc vous voyez, on n'est pas limité. on a toute l'attitude de faire ce qu'on souhaite. Dernière question, Daniel Glasman, qui finalement rebondit par rapport à ce que vous venez de dire. On a l'impression que lorsque l'État essaye de commander des logiciels, c'est à chaque fois une catastrophe. Il y a le logiciel Louvois, logiciel de paye des militaires qui n'a jamais marché. Il y a dans le domaine des grosses entreprises, la SNCF, qui a eu des problèmes logiciels. Comment vous expliquez ça? Ah, écoutez, entre Sirène et Louvois, c'est pratiquement 1 milliard d'euros de gabegie. Et ça ne marche pas ou c'est toujours pas fini. Mmh. J'explique ça par le fait que l'État se repose trop sur des partenaires extérieurs, des sociétés de services. On devrait faire comme en Belgique. La Belgique a internalisé ses développements informatiques pour le développement de ses dernières applications et ses derniers logiciels pour sa sécurité sociale. Et ça marche parfaitement bien. Nous avons un syndrome en France du « il ne faut pas que ça soit inventé chez nous, c'est à faire à l'extérieur ». Il faut réinternaliser tout ça pour que les compétences restent, qu'elles soient fidélisées. Il faut avoir des ingénieurs de haut niveau payés au prix du marché. Il faut qu'ils soient contractuels, non fonctionnaires, qu'ils ne servent bien entendu que l'État pour ne pas être en concurrence sur le marché global avec les sociétés de services. Mais il est important que l'État, pour ne plus payer entre 5 et 50 à 100 fois les prix des logiciels qu'il achète et qui, en général, ne marchent pas bien, voire pas du tout, il est important que l'État se redote d'une informatique très sérieuse où les développements sont réalisés en interne. Voilà, à mon avis, c'est ça la solution. Merci beaucoup, Daniel Glasman. Je rappelle que vous êtes un industriel du logiciel. Merci d'avoir exploré le super fail de la semaine, SAIP. Superfail a été foiré à la production par Cédric Fuentes, piétiné à la technique par Clément Berman et absolument ratiboisé par Alexandre Fougeron à la réalisation.